Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'une très grosse victoire des Hurricanes de Mastouillache 2-1 hier contre les Marquis de Jonquière. Grâce à cette victoire, les Hurricanes qui ont rejoint les Patriots de Saint-Bruno en grande finale de la Ligue de hockey Bantam régional. Donc la série devrait commencer au cours des prochains jours. Il y a une autre série maintenant qu'on surveille, les Saguenay de Chicoutimi contre le Titan de Caddy Batters. C'était une défaite des Saguenayens 3-2 dans le cadre du troisième match au Centre Georges Vézina. Pour les Sags, Kevin Clément, un but, une passe, et Samuel Hood a marqué également un but, une passe. Il y a les Huskies de Rouyn-Noranda, de l'instructeur Gilles Bouchard de Normandin, qui mènent maintenant 2-1 dans la série contre le Phoenix de Sherbrooke. Hier, Samuel Harvey d'Alma a été tout simplement intraitable devant sa cage, bloquant 36 lancés. Donc, une victoire de 3-0. Les deux mêmes équipes s'affrontent ce soir également à Sherbrooke. Une série également qu'on va surveiller de près, une grande finale qui aura lieu, qui va commencer au cours des prochains jours également, c'est les ambassadeurs de Chibougamau contre le Marcos Pop de Saint-Félicien. Hier, on a parlé avec l'instructeur-chef Jason Lajeunesse, qui mentionne dans un premier temps que les ambassadeurs sont une équipe très, très rapide. C'est une bonne équipe, qui sont rapides, qui sont intenses. Qui travaille fort là à chaque match. Donc ça va être à nous là d'être prêts et très motivés là pour cette finale là de 4-7. Si on n'est pas prêt, on peut peut-être se faire surprendre. Chibougamau nous ont déjà battu au courant de la saison régulière. Ok, dans un deuxième temps, il y a toujours une belle rivalité entre les deux formations. Explique l'entraîneur-chef du Marcos Pop. Oui, c'est sûr que c'est la bataille de la 167, comme on dit. Là. C'est les deux. Chibougamau, c'est nous autres qui est plus proche d'eux. Donc, c'est ça. Moi, on s'attend à une bonne, très, très, très, très bonne série là, entre les deux formations. Là. De notre côté. Là. Avec une belle nouvelle de football, Gloire Mugamba, qu'on a connu avec les Faucons Barrettes de Chibougamau il y a quelques années, a signé une entente avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, il va apporter les couleurs du Rouge et Or au cours des prochaines années. Donc, on devrait parler au cours des prochains jours à Gloire et également à Serge Bouchard. Le sport local et régional, adanradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.